Section 46 de La Lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 2e. Section 46. Turlutène, par Dr. Grégoire. Accès. On a des accès de tendresse, de générosité. On n'a pas d'accès d'orgueil, d'égoïsme. Ça, c'est l'état normal. Accoutrement. Manière de désigner la façon dont s'habillent les autres. Allumer. Allumer du feu, comme dit Monsieur Tout-le-Monde. Pourquoi ne pas dire aussi inonder de l'eau? Anse, du panier. Ce n'est certainement pas pour elle que ce dène a dit « La danse n'est pas ce que j'aime ». Apparence, elle apostrophe, et les apparences. Ayez l'une, sauvez les autres, et vous serez considérés. Approuvez quelqu'un. Pensez comme lui, quand il pense comme vous. Armistice. Le temps de trouver un meilleur fusil, un meilleur canon, un boulet plus persuasif. Baïonnette. Monsieur Krupp doit-il rire assez de toi, ma pauvre ingénue? Beurre. On en fait, aussi, avec du lait. Bonheur. L'homme n'est jamais heureux. Il se souvient de l'avoir été ou il espère l'être un jour. Voilà tout. Bouche. Il n'y en a plus qu'une qui compte aujourd'hui. La bouche du canon. Cabale. Façon de désigner le public dès qu'il cesse de nous applaudir. Charpie. État dans lequel Minerve ne manque jamais de mettre son « mouchoir » avant de nous le jeter. Chef-d'œuvre. Un enfant qu'on ne baptise jamais qu'après la mort de son père. Chimérique. Tout ce qui serait juste, raisonnable et généreux. Clavecin. Très supérieur au piano. Il faisait moins de bruit. Coquette. Une chandelle qui finit toujours par se brûler à un papillon. Crétin. Un imbécile qui en est venu à ses fins. Dada. Un nigaud, pas tout à fait un imbécile, mais un candidat qui a des chances. Défunt. Un ange, une perle, un phénix, à la condition qu'il ne renaisse pas de ses cendres. Déviation, proéminence. Façon de désigner la bosse de Mademoiselle Million. Duo. Moins féroce qu'un trio, mais encore plus méchant qu'un solo. Envie. Un jour de souffrance sur le bonheur du voisin. Fin de la section 46, enregistrée par Ezoie en Belgique en juillet 2021.